Bonjour à tous. Sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, les infrastructures ferroviaires se renforcent avec le lancement d'un programme structurant de 96 milliards de dirhams. Ce programme comprend l'extension de la ligne à grande vitesse jusqu'à Marrakech. Bon, le lancement des travaux a été présidé hier par Sa Majesté. Le programme comprend aussi la modernisation de la flotte nationale et le développement de réseaux de transport en commun au niveau de 3 agglomérations, à savoir Casablanca, Rabat et Marrakech. Le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, a reçu hier à Rabat Sultan Ben Saad Ben Sultan Al Murayri, ministre d'État aux Affaires étrangères, membre du Conseil des ministres du Qatar en visite de travail dans le Royaume. Les entretiens entre les deux responsables ont porté sur les relations entre le Royaume du Maroc et l'État du Qatar, ainsi que sur les moyens de les renforcer, de les enrichir et d'en élargir les perspectives conformément aux hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et de son frère, l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Conflit russo-ukrainien, l'Ukraine pourrait avoir à céder des territoires à la Russie afin de conclure une paix temporaire avec Moscou, affirmation du maire de Kiev. Le président Volodymyr Zelensky pourrait être contraint d'accepter une solution douloureuse pour le pays afin de faire cesser les combats, a dit le maire dans un entretien accordé à la chaîne BBC. En revanche, l'Ukraine n'acceptera jamais une occupation du pays par Moscou, a-t-il insisté au lendemain de frappes russes sur Kiev qui ont fait 12 morts selon les autorités ukrainiennes. Nucléaire iranien, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, est attendu à Oman pour un troisième round de discussions sur le nucléaire avec les États-Unis prévu demain. Téhéran augurant de possibles progrès si Washington fait preuve de bonne volonté, sérieux et réalisme. Le département d'État américain a annoncé que l'émissaire du président Donald Trump, Steve Witkoff, participerait bien à ces pourparlers dans la foulée des deux précédents rounds à Mascate le 12 avril et Rome le 19 et salué comme de bonnes discussions par Téhéran et Washington. Ce troisième cycle prévoit une session de pourparlers techniques entre experts sur le programme nucléaire iranien en complément de la négociation diplomatique principale. Guerre commerciale, les dirigeants chinois ont appelé aujourd'hui la communauté internationale à s'opposer aux intimidations unilatérales et souligner l'importance d'une relance de la consommation intérieure au moment où les tensions commerciales avec Washington menacent les exportations chinoises. Le cercle restreint des plus hauts dirigeants chinois, dont le président Xi Jinping, s'est réuni aujourd'hui lors de la session trimestrielle du bureau politique du Parti communiste chinois dédiée à l'économie. Les dirigeants sont pris indirectement à l'offensive commerciale lancée par le président américain qui a déclenché un bras de fer commercial féroce avec Pékin. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Retour de l'info à 11h.